Je porte toujours du noir. Je ne porte jamais de noir. Je mets toujours un pyjama pour dormir. Je ne mets jamais de pyjama pour dormir. Je prends toujours un somnifère. Je ne prends jamais de somnifère. Je rêve parfois la nuit. Je ne rêve jamais la nuit. Je me couche quelquefois après minuit. Je ne me couche jamais après minuit.